grâce légers innocents suivent la beauté qui voyage. Les oiseaux par leur tendre chant semblent vouloir lui rendre hommage, et la déesse du printemps sème des fleurs sur son passage, sème des fleurs sur son passage. Grâce légers innocents suivent la beauté qui voyage. Les oiseaux par leur tendre chant semblent vouloir lui rendre hommage, et la déesse du printemps sème des fleurs sur son passage, sème des fleurs sur son passage. Voyant ses attraits, les mots que j'ai souffert loin d'elle, mon cœur blessé de nouveaux traits, lui jure une flamme éternelle. Et tous mes vœux sont satisfaits, si c'est l'amour qui la rappelle, et tous mes vœux sont satisfaits, si c'est l'amour qui la rappelle, si c'est l'amour qui la grâce légers innocents suivent la beauté qui m'engage. Les grâces légers innocents suivent la beauté qui m'engage. Les oiseaux leur tendre chant semble vouloir lui rendre hommage, et la déesse du printemps sème des fleurs sur son passage, sème des fleurs sur son passage. Grâce légers innocents suivent la beauté qui m'engage. Les oiseaux par leur tendre chant semblent vouloir lui rendre hommage, et la déesse du printemps sème des fleurs sur son passage, sème des fleurs sur son passage.